raconter de jolies histoires de cœur, celles de mon cœur. J'ai tenté de trouver les mots, avoir un style rigolo, éviter de paraître trop niais, mais tu me plais. Fais gaffe à toi, c'est pas moi. Faut pas se leurrer, c'est pas pour moi. Je te fais la cour dans la cour. Où tu me vois, je te fais la cour dans la cour. Où tu m'entends, je te fais la cour dans la cour. Où tu me vois, je te fais la cour dans la cour. Où tu m'entends. Cette chanson comme une bouteille à la terre, elle roule et roule la bouteille jusqu'à chez toi. Elle trouvera sur le paillasson cette bouteille sans prénom. Cette courte histoire a l'air bien con et sans raison. Mais dix ans de moins, t'es 10 ans.